Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Luc Desormeaux au micro et à l'animation et pour me rejoindre cette semaine. Pour une émission complète cette fois, je ne serai pas seul pour le premier bloc. Mon collègue, ami, grand voyageur, celui qui est présentement 3 heures dans le passé, Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Juste te dire, là, dans les 3 prochaines heures, tu n'as rien vraiment perdu, il se passe rien de vraiment super. Là, fait que, je veux dire, les 3 heures que tu es dans le passé, c'est correct. Là. C'est pas grave, je profite de ma température à 21 degrés ou à 24 degrés plutôt dehors. Oui, ma femme te fait dire qu'elle te déteste. Oui, c'est gentil. Ouais. On est allé à Vegas il y a quelques années en voyage, en vacances, puis c'est vraiment une... C'est pas pour les casinos, mais la température est juste incroyable. C'est chaud sans être humide. C'est chaud, mais c'est pas écrasant. C'est vraiment agréable comme température. Non, effectivement. Puis aujourd'hui, il faisait 23-24. Demain, il annonce la même chose. C'est quand même intéressant. Oui, oui, c'est un bel endroit. C'est sûr que les casinos, c'est le fun. C'est joli. Là. Je suis pas vraiment gambler, mais c'est quand même bien comme place. Il y a des beaux endroits à visiter. J'étais allé visiter l'usine de Shelby aussi. Qui est un petit peu plus loin en dehors de Vegas. Puis j'étais allé me promener en Mustang convertible à Red Rock Canyon. Te tenir en plein milieu c'est du désert puis demain. Même pas avoir chaud. C'est super beau Red Rock Canyon. Je sais pas si t'es déjà allé, là, mais c'est vraiment oui, c'est vraiment mais c'est joli. Là que demain, c'est là que demain, on s'en va faire du off-road. Bon, tu vas nous en reparler la semaine prochaine? Bien sûr, parce mon qu'on cher. A beau voyager un peu dans le passé puis dans le futur, là, demain, c'est un peu loin encore. C'est ça. Donc, Marc, on va parler d'autres petits sujets. Moi, je veux juste revenir sur le Test Fest très, très rapidement. J'ai conduit une 30aine de voitures, finalement, en 3 jours. Un peu plus, là, 30 voitures, c'est les voitures que j'ai votées pour voir s'ils ont la chance d'être voiture de l'année ou pas. Mais j'ai conduit plus de voitures que ça, parce que c'est des voitures que j'avais déjà conduites, que j'ai pas nécessairement calculées dans mes voitures conduites. J'ai peut-être conduit 35 à 40 voitures en 3 jours. Là. C'est assez intense. Donc, on va là pour se reposer. Puis on est vraiment ce qu'on peut dire des tripeux. Là. On adore conduire et tout ça. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est dérangeant. Mais c'est quand même beaucoup de conduite. Parce qu'il faut penser qu'entre l'hôtel et l'endroit où on va, qui est le Canadian Tire Motorsport Park, ben c'est 40 minutes. Hein? Fait que juste le matin, on se lève, on conduit 40 minutes pour se rendre là-bas. Et puis le soir, on reconduit un autre 40 minutes pour retourner à l'hôtel. Parce qu'après ça, le soir, souvent, il y a des événements qui se passent à la même dont place. L'Assemblée générale et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut aller jusque-là. Donc, c'est quand même pas mal de kilométrage. Là. Mais c'est quand même bien. Je l'ai juste mentionné. J'ai fait en tout plus de 1500 kilomètres avec la MX-5 RF que Mazda m'a gentiment prêté pour aller à Toronto et revenir. C'est une voiture qui est justement en lice pour le titre de voiture de l'année dans la catégorie de voiture sport. Là. J'ai eu une petite crainte quand j'ai pris la voiture. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment être capable d'être confortable dans la voiture pendant 4h30, 5h? Parce que c'est quand même 4h30 à peu près se rendre dans la région de Toronto. Puis, c'est un petit habitacle. Les sièges sont confortables, mais je me demandais, est-ce que pour 4h30, ça allait être confortable tout le long. Puis, franchement, oui. J'en aurais même pris plus. Fait que c'est vraiment drôle parce que j'ai fait 1500, plus que 1500 km avec la voiture, puis j'en aurais fait encore. C'est vraiment incroyable comme petite voiture. Puis, c'est vraiment drôle parce que ma consommation moyenne totale quand j'ai retourné la voiture, c'était de 6,6 litres au 100 km. Oh, quand même, c'est bon. Fait que c'est non seulement assez confortable pour faire des longs trajets, mais ça consomme vraiment pas beaucoup d'essence. Là. En tout cas, ça a été vraiment agréable. Je me suis même risqué un après-midi à retourner à l'hôtel, à descendre le toit, monter le chauffage, puis faire le retour de 40 minutes à l'hôtel avec le toit baissé. Et je ne suis pas malade, donc ça s'est bien passé. Donc, ça a été très agréable. J'ai bien apprécié mon test-fest. Là, on attend les premiers résultats qui vont être dévoilés au Salon de Montréal au mois de janvier et les résultats finaux qui vont être dévoilés au Salon de Toronto. C'est au mois de février, je pense, je me rappelle bien. Oui, je suis dans le coin de Saint-Valentin d'habitude. C'est ça. Donc, on va avoir les résultats finaux rendus là. J'ai hâte de voir qui va gagner. Beaucoup de voitures intéressantes cette année, là. Beaucoup de compétitions dans chacune des catégories. Surtout dans les gros VUS, il y a beaucoup de bons gros VUS. Là. Le nouveau Subaru Ascent avec le nouveau Hyundai Santa Fe. Il y a beaucoup de produits qui sont très compétitifs. Le nouveau Ford Explorer, donc il y a beaucoup de compétition dans cette catégorie-là. J'ai hâte de voir ce qui va sortir gagnant. Mais toi, Marc, oui? Non, je disais juste effectivement, je t'approuvais pour une fois. Tabarnouche, je vais mettre un X sur mon calendrier qui est présentement inexistant. Donc, je vais me trouver un calendrier, je vais mettre un X dessus. Marc, tu étais à Vegas. Oui, tu vas demain aller faire de la trail avec les gens de Jeep. J'espère que tu vas avoir beaucoup de plaisir et que tu ne maganeras pas un beau Jeep Wrangler. Mais aujourd'hui, tu as été visiter un des salons les plus intéressants pour les gens qui aiment modifier leur voiture. C'est le SEMA Show. Dans le fond, c'est un trade show. C'est ça. Okay. C'est un salon commercial qui réunit des gens qui sont... on vend des outils, on vend des pièces, on vend des pneus, on vend des roues. Mais on est vraiment dans tous les domaines. On vend des machines pour aligner les pneus. Tu sais, là, tout est là. C'est pas ouvert au public, hein? C'est un salon c'est commercial. Pas au public. C'est un salon commercial purement, mais c'est probablement le plus grand salon de l'auto du monde. Okay. C'est absolument gigantesque. C'est plusieurs millions de pieds carrés. Ça n'a aucun sens. Et les gens vont là aussi avec leur propre voiture, exposer leur voiture modifiée ou leur voiture restaurée. Et il y a vraiment comment je pourrais dire? Moi qui avais l'impression qu'ils connaissaient un peu l'automobile et qui aimaient ça, je me suis rendu compte que j'étais absolument rien comparé de ces gens-là. On appelle ça des crinqués. Ah non, crinqué est un mot faible. C'est complètement fou. C'est vraiment, vraiment... Écoute, t'as là toutes sortes d'affaires. Je te dis, là, j'ai vu des pneus et des roues à m'enlever le cœur. Il y a quand même des manufacturiers qui sont là et qui profitent de l'occasion pour faire des dévoilements. Et moi, j'étais invité justement par FCA, par Jeep, Chrysler, Fiat, qui ont présenté deux choses absolument aussi incroyables les unes que les autres, je te dirais. Non, okay. La première, c'est moins vrai. C'est deux prototypes de Ram. Un Ram Rebel et un Ram 1500 qu'on appelle le Down Low. C'est des prototypes qui sont faits à partir de pièces mon père. Parce qu'on était beaucoup invités par mon père. Mon père, c'est la division, justement, de pièces et d'accessoires de Chrysler. Okay. Et de Fiat Chrysler. Mm-hmm. Et c'est, ils ont vraiment absolument n'importe quoi. Et c'est particulier parce qu'on a eu une entrevue avec le dirigeant de mon père qui m'apprenait honnêtement plein de choses. Je savais pas, moi, que c'est mon père qui, le premier de tous les manufacturiers, avait proposé un hotspot Internet Wi-Fi dans une voiture. OK. Intéressant à savoir. Non, je savais pas non plus. Alors, c'est aussi mon père qui sont les premiers à avoir offert une option pour avoir le chargement par induction de ton téléphone. Chargement sans fil. OK. Donc, on est dans les accessoires esthétique dans les affaires là, un peu flyées. On est dans les composantes de performance, mais on est aussi dans les trucs électroniques. Donc, mon père, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux RAM et ils les ont modifiés. Le premier, le Down Low, tu auras compris qu'on a abaissé la suspension un peu. On a mis une peinture particulière, deux tons. C'est assez particulier. Ils appellent ça Brassfalt. Okay. Parce que c'est couleur brass et couleur gris asphalte, donc ils ont appelé ça Brassfalt. Okay. J'ai trouvé ça très drôle. Mm-hmm. Mais il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui sont essentiellement, mais qui sont typiquement esthétiques. Et on a mis des échappements 5 pouces en arrière. Bon, la plupart de ces choses-là sont des choses que l'on peut avoir sur nos propres voitures, sauf les échappements qui sont prototypes. Tout le reste, on peut à peu près l'avoir, sauf qu'ils ont changé les couleurs. Okay. Alors, ça fait un camion qui est quand même très joli. Le deuxième, le Rebel, ils ont fait à peu près la même chose, mais il y a plus de trucs qui sont prototypés, si tu veux. Genre, ils ont des barres de lumière accrochées dans la boîte, des échappements, un capot, des trucs comme ça. Et sous le capot, ils ont une espèce de protecteur de plastique qui est aussi à l'étude pour le moment et qui est là pour comme améliorer la circulation d'air sous le capot. Okay. C'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier. Donc, c'est des détails, mais ce sont les deux RAM qu'on a présentés ici. Ça, c'était la première partie avec mon père. Mon père, d'ailleurs, qui est vraiment énorme. Hein? On nous disait que l'an passé, on a modifié 300 000 véhicules aux États-Unis seulement avec mon père. Okay. C'est quand même là, c'est pas rien. Et quand je parle de modifier, là, 300 000 véhicules, c'est des véhicules neufs que les gens commandent avec des pièces mon père puis qu'on prépare pour eux. C'est pas des pièces qu'on a rachetées après, là. OK, c'est pas fait, là. C'est quand la voiture est livrée chez le concessionnaire, elle est livrée avec ces pièces-là. C'est ça. Mais OK. 300 000, c'est Ouais, gigantesque, là. c'est beaucoup, c'est beaucoup. Après ça, mais la grande nouvelle, elle était plus en fin d'après-midi, à 4h26. OK. Pourquoi 4h26? Parce qu'on a dévoilé, entre autres, un moteur, un 426, OK. qui est un nouveau moteur, et ils sont vraiment complètement fous. C'est, tu sais, le moteur Hellcat. Bon, eux autres ont décidé de continuer sur le Hell quelque chose. Donc, ils ont eu le Hellcrate, qui est un moteur que tu achetais dans une boîte, dans un crate que tu pouvais mettre. Les Et là, ils voitures, ont sous décidé. beaucoup de modificateurs de voitures vont acheter des moteurs comme ça en ce qu'on appelle des crate engine, là, puis que tu vas mettre C'est ça. dans d'autres choses, là, n'importe quelle voiture, pas Alors, nécessairement du Chrysler. là, c'était le Hellcrate. Oui. Mais là, ils ont sorti une version crate un petit peu plus flyée. Ça s'appelle le Hellephant. OK? Hellephant. C'est le Hellephant 426 Supercharge, Mopar Crate ME Engine. Il fait 1000 chevaux, 950 livres-pieds de couple. Ça doit déménager un peu. Écoute, ils l'ont parti. D'ailleurs, je t'invite à aller sur ma page Facebook. J'ai mis une petite vidéo. Le son n'est pas super bon, mais c'est assez incroyable comme monstre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté aussi un Supercharger, OK. un Dodge Supercharger. Tu te rappelles des vieux Chargers, là, les vieux Superchargers de l'époque, là, de 1968. Alors, ils ont repris ça, qu'ils ont redessiné, qu'ils ont modifié et qu'ils ont équipé du fameux moteur de 1000 chevaux. C'est vraiment magnifique. C'est une belle machine. C'est complètement débile, cependant, mais c'est complètement fou. Puis le fameux Dodge Charger 1968 qu'on a là, qui est pour célébrer en fait le 50e anniversaire du Charger, est magnifique. Ils ont pris, bon, c'est wide body, là, fait qu'ils ont élargi le tout. C'est vraiment superbe. Ils ont fait un travail incroyable au niveau du design. Et quand ça a été présenté, tu sais, moi, je m'attendais, on est dans une époque où, oui, les moteurs grossissent, mais les gens se disent plus sensibles et tout. Quand on a annoncé le 1000 chevaux, les gens sont un petit peu partis à rire. Quand ils ont dévoilé le moteur et qu'ils l'ont parti, ils ont eu des applaudissements, littéralement un standing ovation Okay. à l'égard de ce moteur-là. Alors, c'est vraiment particulier. C'est, écoute, ça arrive en janvier, c'est en crate, là, donc ce sera un moteur que vous pourrez acheter, que tu pourras mettre d'ailleurs dans ta livre si jamais tu décides de changer de moteur. Ouais. Ou dans mon escape, à un moment donné, on sait jamais. Ça C'est ça, mais ça, à ce moment-là, ça ne sera pas déménagerait, ça surprendrait quelques personnes, mais un. Ouais, mais à ce moment-là, c'est pas un. Ton véhicule, il ne roulera pas, mais il va voler bas. Attends, en tout ouais, pas à peu près. cas. mais alors, ça, c'est les grandes nouveautés. Pour le reste, écoute, le SEMA, c'est fou. Tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, quand tu te promènes et tu as l'impression que tu n'as pas assez. Il se passe tellement d'affaires autour de toi que tu as de la misère à suivre parce qu'il y en a trop, là. Il y a Ouais. des voitures partout, il y a des voitures modifiées, il y a des pièces, il y a des. C'est complètement hallucinant. C'est un événement. C'est quelque chose à voir une fois dans sa vie. Ça fait quelques fois que je viens, moi, puis à chaque fois, je sors d'ici complètement troublé parce que c'est incroyable. Et je peux vous dire que l'industrie automobile est en bonne santé. Il se vend des affaires. Et il se vend toutes sortes d'équipements et des affaires très extrêmes, des roues de 48 pouces. Ça a plus bon sens, là. Alors, c'est vraiment particulier. Le SEMA, c'est spécial. Il y aura d'ailleurs un texte sur le SEMA et sur le Hellcat, sur Auto 1, 2, 3, là, que je vais écrire pour mettre en ligne demain. Parfait. Les gens qui te suivent sur Facebook, tu vas sûrement faire lien Oui. vers ça et les gens vont pouvoir le regarder. Ouais, puis il y a déjà pas mal. Si vous allez sur Facebook ou sur mon Instagram, il y a déjà pas mal de photos de certains véhicules. Super. Donc, parfait, Marc. Donc, on va prendre une petite pause et puis on va revenir tout de suite avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'un véhicule que j'ai eu la chance de conduire la semaine passée au Festival des essais. C'est une voiture qui est en lice pour peut-être gagner le titre de voiture de l'année. Une voiture que j'ai beaucoup appréciée, la Toyota Avalon. Oui, en fait, c'est même étonnant à quel point je l'ai apprécié, moi aussi. C'est une auto, tu sais, l'Avalon, on s'entend pour dire que c'est pas la voiture la plus populaire de l'histoire. Non, c'est ça que j'ai dit la semaine passée quand j'ai parlé que je l'avais conduit. Je me suis dit, c'est vraiment une voiture qui passe en dessous du radar, là. Il y a Oh! beaucoup de gens qui vont même penser que ça ne se vend pas au Canada. Mais ce qui est drôle, c'est que ce soir, j'allais reconduire mon fils à sa pratique de kinball. Puis j'ai croisé une Avalon de génération précédente. Puis je me suis dit, ah, c'est peut-être que j'ai. Peut-être parce que je n'ai conduit une que je les remarque maintenant. Mais j'en ai Ben, croisé une tantôt. c'est sûr que ça contribue, mais c'est vraiment, écoute, ce genre d'auto qu'on ne voit jamais, puis qu'on confond avec n'importe quoi parce qu'elle était tellement anonyme Ouais. qu'on la reconnaissait pas. Ouais. La nouvelle Avalon profite d'un nouveau style, d'un nouveau design. On est vraiment dans d'autres choses. On est plus proche de ce que Toyota nous propose sur ses nouveautés. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je sais que toi, tu n'es pas fan de la grille en avant, entre autres. Oui, c'est probablement la seule chose qui me laisse un peu froid. Là. Pas que je déteste, là, me laisse un peu froid. C'est ça. Mais c'est pas, tu sais, sauf que c'est toute une voiture. C'est vraiment impressionnant. D'abord, on a un châssis qui est hyper rigide. C'est monté sur la même plateforme, en fait, la même architecture, la fameuse Toyota New Global Architecture de Toyota, sur laquelle ils ont construit absolument tous leurs nouveaux modèles. C'est vraiment d'une grande rigidité, c'est incroyable, ça se comporte très bien, ce qui est surprenant quand même pour une berline de cette taille-là. Oui. Nouvelle suspension arrière aussi, qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus agréable, qui va faire tout l'amortissement nécessaire pour avoir du confort, mais est capable de nous donner une conduite un peu dynamique. En tout cas, une expérience de conduite intéressante. Ouais. La direction de cette voiture-là est surprenante. Mm-hmm. Parce qu'on est habitué à une direction qui est totalement ennuyante. Ouais. Alors que là, on a quelque chose qui répond rapidement. Et honnêtement, ça m'a beaucoup surpris parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Ouais. Et ça m'a vraiment, vraiment surpris. J'ai fait « Wow, quelle voiture incroyable! » Ceci étant dit, c'est quand même un moteur intéressant. C'est le moteur V6 de 301 chevaux qui est sous le capot. Hyper sportif, mais c'est quand même intéressant. 267 livres-pieds de couple. Une boîte automatique 8 rapports qui est agréable parce qu'on réussit à... Elle suit le rythme. Peu importe comment tu pousses fort, elle va suivre ton rythme. Et ça, c'est bien important parce que tu as une voiture qui est assez lourde, qui est assez imposante. Et quand tu veux la pousser un peu, bien évidemment, tu as envie d'avoir cette rapidité d'intervention-là. Et évidemment, si tu veux conduire de façon tout smooth et relaxe, ben, tu peux quand même le faire et elle va suivre ton rythme aussi. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une bonne voiture. L'habitacle. J'ai aussi beaucoup aimé l'habitacle. Comme toutes les nouvelles voitures, on a le grand écran au centre, là, au centre de la console centrale. Il est quand même un peu moins... Il est quand même plus intégré dans la console que dans certains autres modèles, il faut le dire. Ouais, un petit peu plus bas. Ouais, un peu plus bas et il n'est pas séparé. Tu sais, dans d'autres, on dirait qu'il est presque séparé. Tu peux quasiment l'enlever comme un iPad, là. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, il n'est pas séparé. Il est partie intégrante de la console. Ouais. Console qui, par ailleurs, est très dégagée, facile d'accès, qui a d'une belle ergonomie. Même chose au niveau des cadrans qui sont devant nous. On a vraiment... C'est facile à lire, c'est simple. Honnêtement, j'ai pas trouvé de vrais grands défauts à ce véhicule-là, honnêtement. On parle quand même d'un véhicule qui est 42 000 $ ou à peu près. Ça dépend de la version. Ouais, ça peut aller jusqu'à 45 000, 46 000. Ouais. Mais qui regorge, qui est pas une Lexus. Là. Okay, on s'entend, on a gardé quand même la personnalité propre à Toyota, même si elle est plus luxueuse que la majorité des Toyota, même si elle offre des matériaux de meilleure qualité. C'est pas une Lexus. Ça demeure une Toyota, on le sait. Avec tous les systèmes aussi électroniques embarqués de sécurité, là, le Toyota Safety Sense 2, avec l'aide au maintien en voie et tout ça, c'est dans l'ensemble une voiture qui est fort intéressante. C'est sûr que c'est une grande voiture. C'est gros, il faut aimer ce genre de véhicule-là, mais définitivement, c'est une belle voiture et à l'arrière, tu as de la place, tu as de la place dans le coffre. C'est une voiture qui est où tout a été pensé. Honnêtement, j'ai pas trouvé de défaut réel à ce véhicule-là. Vraiment, c'est l'affaire la plus... C'est le véhicule, à mon sens, qui a subi la plus belle progression chez Toyota depuis fort longtemps. Moi, je suis d'accord. C'était une des voitures que j'avais testées dans ma liste. Puis, tu sais, je sais que Toyota s'est beaucoup amélioré dernièrement. La nouvelle Camry est vraiment super. On a des beaux produits. Puis je me disais, bon, l'Avalon... Est-ce qu'on va avoir fait un peu avec l'Avalon ce qu'on a fait avec la Camry? Puis j'ai été vraiment, vraiment agréablement surpris du comportement général de la voiture. T'sais. Ça peut se conduire de manière moyennement sportive, au moins une conduite dynamique. Puis l'espace, comme tu dis, l'espace, la beauté de l'habitacle intérieur, c'est vraiment, vraiment une voiture qui m'a surpris. Là. Pas qu'on pense que Toyota n'est pas capable de faire des bonnes voitures. C'est un peu la marque de commerce de Toyota, mais c'était quand même normalement un peu plus monotone, ce qui n'est pas le cas avec l'Avalon. Donc, ils ont réussi à rendre la voiture intéressante aussi. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, c'est une belle progression pour ce modèle-là qui est passablement inconnu là, aussi, comme on dit. Là. Oui, effectivement. Et c'est une voiture qui n'est pas, comment je pourrais dire, les gens n'ont pas confiance en cette voiture-là parce que les grandes berlines n'ont pas la cote. Non, c'est pas populaire. Mais elle, c'est vraiment spectaculaire. Elle est vraiment hot. Je suis, en tout cas, moi, honnêtement, je m'attendais pas à aimer cette voiture-là autant que ça. Et j'ai été très, très favorablement impressionné. Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mon Dieu, ça fait deux fois, là. Hein, on va arrêter ça. Ça n'a pas d'allure, ouais. Ce qui se passe. Oui, non. Deux fois d'accord dans la même émission, on va arrêter là. Ouais, okay. Toi, tu as conduit quoi cette semaine, mon cher? Moi, j'ai conduit le Hyundai Veloster. Véhicule qui, il y a quelques années, j'avais vraiment l'impression que Hyundai l'abandonnerait. Parce que c'était pas un véhicule qui se vendait beaucoup. C'est un véhicule qui avait beaucoup de gueule, mais très peu de tu sais, il n'y avait pas le comportement sportif qui allait avec son allure. C'était un véhicule qui était intéressant avec sa troisième porte du côté, tu sais, une troisième porte qui est du côté passager pour aider les passagers arrière à embarquer, débarquer de la voiture. Ouais, ça donne un beau style, par exemple. Oui, c'est super joli, mais tu regardais ça, ça avait l'air d'une voiture sport. Les gens pensaient un peu que c'était peut-être le successeur spirituel de la Honda CRX, tu sais, que Honda avait laissé tomber, coupe sportive, tu sais, vraiment une allure agressive, puis t'allais au volant de cette voiture-là, puis c'était bof. T'sais, c'était le même moteur que dans une Accent. C'était pas vraiment sportif comme comportement. Mais t'sais, l'intérieur était quand même bien. On avait réussi à donner une allure sport intérieur-extérieur, mais côté conduite, c'est ce qui manquait un peu. Après ça, ils sont revenus avec une version sport, une version turbo. Mais même ça, c'était bien, mais ça manquait un peu de punch. La nouvelle version du Veloster, je le sais que tu l'as essayé. Tu l'as déjà essayé, le nouveau Veloster, ou t'es pas allé au lancement. T'étais supposé aller au lancement, puis t'es pas allé. Ça fait à peu près trois fois que je te demande ça. Exactement. Avec, c'est l'âge. Mais c'est vraiment intéressant. Ils ont changé le moteur. C'est un 4 cylindres 1.6 litres turbo. Je l'avais avec une boîte manuelle à 6 rapports. C'était dynamique en partant, mais si t'activais le mode sport, la voiture se réveillait, puis ça lui donnait un petit côté rebelle, un petit côté vraiment voiture sport, là. Tu pouvais la pousser, et puis c'est une voiture qui était capable d'en prendre. J'ai vraiment, vraiment apprécié la nouvelle version. Ça aussi, je pense, une voiture qui, dans sa nouvelle mouture, a comme un regain de vie un peu. Elle a vraiment, maintenant, elle a un peu le comportement qui va avec l'allure qu'on a donnée à la voiture. On a toujours la troisième porte qui est du côté passager, qui aide les passagers à embarquer à l'arrière. Puis ce qui est vraiment bien, ça peut être la voiture sport de la petite famille qui a peut-être un ou deux enfants, jeunes enfants, là, si vous avez un grand ado. Grand arrière, non, c'est ça, c'est pas tellement grand, mais si vous avez des jeunes enfants, puis vous voulez vous avez peut-être, je sais pas moi, la minivan ou le VUS, puis vous voulez quelque chose d'un petit peu plus le fun à conduire, ben c'est la voiture sportive qui peut facilement embarquer peut-être deux jeunes enfants en arrière, parce que c'est quand même moyennement spacieux. À l'avant, ben c'est spacieux. On a vraiment refait l'intérieur aussi. L'intérieur est très joli. Une allure vraiment sportive aussi à l'intérieur. La transmission 6 vitesses, c'est vraiment précis. Ça va très bien. La direction est précise. C'est vraiment une voiture qui s'est bien transformée avec cette nouvelle mouture-là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la conduite. Elle aussi est en liste pour voiture de l'année dans la catégorie voiture sport. La compétition est forte, par exemple, parce qu'elle a la Golf R avec elle, la Mustang et quelques autres véhicules qui ont des tempéraments un petit peu plus nerveux. Mais je pense que la Veloster, pour le prix qu'on demande pour ses qualités de conduite quand même assez dynamique qu'elle a, son design qui est intéressant, je pense peut-être qu'elle a quand même des chances, là. Mais c'est un véhicule qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, ils ont un orange dans ce véhicule-là qui est vraiment comme ma couleur préférée. Il était vraiment, mais vraiment joli avec les jantes noires, là. C'est vraiment un véhicule qui sort du lot, là. Puis, il a fait tourner des têtes, même si c'est pas une voiture à 50 000 $, c'est une voiture que les gens se retournaient pour la regarder. Parce que c'est un véhicule qui attire l'attention dû à son design, ses lignes. Elle a du style, c'est ça. Fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Consommation d'essence, j'ai fini en bas de 8 litres au 100 km, je me rappelle bien, là. Puis j'ai pas vraiment fait attention, là. Je la conduisais comme elle méritait que je la conduise, là, sportivement, des accélérations assez franches et tout ça, là. Fait que ça, c'est une voiture que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'était agréable à conduire. Puis, tu sais, le coffre est quand même spacieux et tout ça. Donc, oui, ça peut servir comme voiture un peu plus familiale. C'est sûr que vous ne partirez pas en camping avec ça, avec la tente, puis tout ce que ça prend, là. Mais, tu sais, une petite fin de semaine avec deux, trois petites valises, on part pour descendre, je sais pas, à Québec, quelque chose comme ça. C'est vraiment une voiture qui peut faire ça sans grand problème, là. Donc, très, très apprécié ce petit véhicule. Ben, j'ai bien hâte de l'essayer parce qu'effectivement, j'ai fait une connerie incroyable. Là. Je devais y aller, puis j'étais sûr que c'était une semaine où le lundi était congé, puis j'étais sous l'impression que ça avait lieu la deuxième semaine, la deuxième journée de la semaine, ce qui était vrai, mais c'était le mardi. Donc, c'est moi qui étais épais. Donc, tu n'y as pas été. Mais non, c'est des choses qui arrivent, que veux-tu, quand on est occupé. C'est ça. Ou sans dessin. Bon, et qu'on ne sait pas lire un calendrier. Bon, bref. OK. Calendrier dont je n'ai pas pour mettre mon X dessus parce qu'on a été d'accord tantôt. Donc, c'est ça. Donc, Marc, on va terminer l'émission là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, à part prendre l'avion et aller te rejoindre à Las Vegas, comment font-ils cela? Ben écoute, la meilleure façon, c'est toujours par ma page Facebook, Marc Bouchard. Sinon, bien sûr, ils peuvent me suivre aussi sur Twitter, Marc souligné Bouchard, Bouchard souligné Marc pour Instagram. Et bien entendu mon blog marcbouchard.ca. Sinon, ben, c'est toujours notre adresse commune info@saroulradio.com. Exact. Et toi, mon cher? Sur Twitter, Scalazormo, il y a aussi le compte Twitter de Saroul Radio qui est à Saroul Radio. Sur Instagram, c'est Desormo Luc. Si vous allez voir, vous allez voir une photo de chaque voiture que j'ai testée pendant le Festival des essais. Je me suis amusé à mettre une photo avant chaque essai que je faisais. Et puis, ça sortait sur Twitter et sur Facebook. Donc, si vous voulez voir la liste de toutes les voitures que j'ai essayées, puis en plus, ça vous donne une bonne idée des voitures qui sont en liste pour le titre de voiture de l'année cette année, parce que la photo est là, puis ils sont toutes là. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et puis, sinon, sur Facebook, c'est Luc Desormeaux. Vous pouvez nous écouter à travers iTunes et Google Play, aussi Spotify, et on est diffusé sur deux radios web, qui est sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, ça fait pas mal le tour. Merci encore, Marc. J'espère que ça va t'amuser beaucoup avec les gens de Jeep demain dans le désert de Red Rock Canyon. Ouais, j'avoue que j'ai très hâte, là. Ça, c'est quelque chose qui me tente beaucoup, là. Oui, donc tu vas nous en reparler la semaine prochaine. C'est pas comme si je te donnais le choix. Et puis, aux auditeurs, je vous dis merci encore une fois d'avoir écouté cette émission, de nous suivre, et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.